D'une manière générale, les dépassements se font par la gauche. Ici, cette voiture a clairement indiqué son intention de tourner à gauche. Elle a donc serré la ligne axiale et laisse suffisamment de place sur la droite pour que je puisse la dépasser. Bien entendu, je ralentis encore, sachant que je suis suivi de près. Réponse A.